Je vous souhaite la bienvenue dans ce qu'on pourrait considérer comme un cours de débutant pour la stratégie de Forex pour faire du day trading. Je le dis en anglais parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont anglais sur la bourse. Et évidemment, day trading, si on fait la traduction française, ça s'appelle le trading ou les marchés d'échange dans la même journée. J'ai eu une certaine expérience du marché parce que j'ai commencé en 88, après le crash de 87, et j'ai eu l'occasion de gérer des portefeuilles. Évidemment, mon nom, c'est Daniel Ménard, consultant sur la psychologie, les rapports humains et différents domaines. Mais j'ai fait des excursions dans différents domaines aussi et qui m'ont donné l'expérience de la bourse, commencé par les options principalement. Et ensuite, le Standard & Poor's 100, le Wix, son code. Et avec différentes personnes, ben j'ai exploré ce milieu. Et ça m'a donné l'occasion de prendre un apprentissage qui n'a pas nécessairement été extrêmement lucratif, en tout cas, pas du moins pour en gagner sa vie, mais qui m'a fortement dynamisé au cours de mon existence. Et puis qui, aujourd'hui, ben je révèle un peu le qu'est-ce qu'il faut faire et le qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et ce que j'ai lu dans les livres, ben c'était dans bien des cas des traders professionnels qui s'exprimaient. Et je peux vraiment vous dire que ce qu'ils marquaient, c'était réel, dans le sens que j'ai vécu les hauts et les bas du marché et les constatations, les observations que les centaines de livres que j'ai lus ont fait. Ben évidemment, c'est pas des amateurs, c'est des gens qui ont du vécu et donc conséquemment qui ont fait la preuve de ce qu'ils affirmaient. Et moi, j'ai simplement la capacité d'endosser ce qu'ils ont dit et de me faire une sorte d'esprit de synthèse de l'ensemble. Un des éléments clés que j'ai lu dans des livres, c'est que les amateurs ou les gens qui commencent, donc les gens qui s'initient au marché, ont tendance à chercher à toujours gagner. Alors que les professionnels, après plusieurs années d'expérience, en viennent à vouloir protéger le capital. Et comme a déjà dit une personne que je me souviens plus de son nom, si tu perds pas à la bourse, tu es assuré de gagner. J'ai toujours ri celle-là parce que plus on fait de la bourse, plus on se rend compte que c'est réel. Faire du day trading, ce que ça semble promettre, c'est qu'on peut gagner sa vie sans être obligé de s'acheter une compagnie ou s'acheter quelque chose qu'on a à revendre et qui suppose qu'on a des inventaires, qu'on a une comptabilité assez complexe à tenir pour fin d'impôt, évidemment. Et puis, dans la bourse, ben, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a un acheteur et il y a un vendeur dans toutes les circonstances. C'est très rapide, surtout quand on parle de Forex, c'est le plus gros marché au monde. Il se transige dans une journée plus que tout ce qui peut se passer dans un an à New York. Donc, c'est évident que les monnaies, c'est un marché qui est très difficile à manipuler, à l'inverse des actions, où une compagnie peut être très, très, très manipulée dans sa valeur au livre, dans sa valeur sur le marché. Donc, l'avantage principal de la possibilité de faire du day trading, c'est que vous pouvez travailler 2 heures, 3 heures par jour et puis vous faire un salaire assez enviable, selon évidemment vos besoins. Ce sont pas rares les gens qui font 100$ de l'heure avec ce marché-là. C'est pas rare de voir des gens qui font 10 000$ par semaine avec ce type de marché. Ça dépend toujours de la capacité que vous avez de vous discipliner. Ça dépend énormément de votre capacité à suivre un plan de match, comme on dit, un plan d'action qui va vous permettre d'arriver à ces types d'objectifs. Mon expérience m'a démontré que c'était principalement de la discipline et de la constance qui étaient nécessaires pour s'assurer un salaire stable. Si vous n'avez pas une expérience de discipline dans votre vie, peu importe si c'était dans un sport, dans une activité professionnelle, ou peu importe, si vous n'avez pas une expérience de discipline, oubliez la bourse, c'est pas fait pour vous autres. C'est simple de même. Personne qui est pas discipliné là-dedans est sûr de perdre et de tout perdre. Donc, ça sous-entend que la personne a une capacité de se créer un plan de match, de se bâtir une stratégie et surtout de le faire, non pas de le penser ou de le parler. Et c'est très difficile pour un individu qui est rebelle de se placer dans le marché pour régulariser une fonction. Parce que le rebelle aime ça, le changement. Il a tendance, évidemment, à se tester, à vouloir tout le temps avoir raison et à se placer dans une situation qui est souvent opposée à une structure établie. Donc, pour lui, suivre les autres ou suivre le marché, c'est la même chose. C'est une contradiction à son être. Donc, un être rebelle n'a aucune chance de s'en sortir dans ces milieux-là. C'est pas fait pour tout le monde, le day trading. Ça promet beaucoup pour ceux qui sont capables de le vivre. Et ceux qui disent qu'ils ont réussi semblent avoir des très belles vies. En tout cas, ils semblent pas avoir de gros conflits à fonctionner. Mais moi, personnellement, j'ai fait de l'argent avec la bourse, mais je n'ai pas fait assez d'argent pour en vivre. Et de mon expérience, il faut avoir un travail parallèle à la bourse, ne serait-ce que pour se débrancher du marché, parce que à un certain moment donné, là, on est comme obsédé par le climat des graphiques, le climat des la vitesse des marchés. On est fatigué et on ne sait pas quand s'arrêter. Mais quand on cherche une régularité dans le salaire, on a aussi la tendance avec la bourse à savoir que il n'y a pas de limite à faire des gains. Et ça, c'est un danger parce qu'on n'a pas nécessairement la contenance de faire des gains plus que ce qu'on contient bien, ce qu'on est capable de soutenir comme pression. Parce qu'il y a un aspect occulte en dehors des stratégies. Il y a l'aspect de notre système nerveux qu'on étudie rarement parce qu'on regarde tout le temps le système boursier qu'on s'est trouvé et qui semble nous donner des résultats à forte promesse. Et on ne se rend pas compte qu'avec un système qui fonctionne, si on augmente la pression pour les gains, pour les réalisations, pour la réalité de ce qu'on a pu faire à 100$ du contrat et qu'on veut monter à 1000 et à 10 000 du contrat, on ne se rend pas compte que plus on augmente la pression, plus on a une tension émotionnelle qui est très forte. Donc, les émotions jouent beaucoup. La plupart des traders d'expérience vont vous dire que la vie du marché, c'est 80% sur une base émotionnelle, puis 20% sur la base technique. Et tant qu'à être dans les statistiques, c'est aussi bien de vous dire aussi que 70%, c'est énorme, 70% des traders sont perdants. 18% sont capables d'être break-even, c'est-à-dire qu'ils ne font ni gain, ils ne font ni perte. Ils sont, au bout d'une année, ils sont break-even. En anglais, ça veut dire juste neutre. Il y en a donc seulement 12% qui gagnent, donc qui peuvent anticiper de gagner leur vie. Donc, vous voyez que même si ça apparaît facile quand on vous explique des stratégies, qu'on vous promet la lune, qu'on vous charge des fois des montants faramineux pour obtenir des logiciels, pour obtenir des techniques, des stratégies qui vont coûter des fois jusqu'à 400-500$, malgré tout ça, il y en a que 12% qui réussissent à faire des gains réguliers. Et ça, c'est pas des petites compagnies qui ont établi que c'était comme ça. C'est des noms anglais parce que c'est américain, donc je vais vous épargner la. Mais dites-vous que c'est l'équivalent pour nous autres de tous ceux qui font des sondages Gallup puis des sondages légers marketing au Québec. C'est l'équivalent de ça. Et que c'est très, très sérieux, que je vous lance pas un 70% de perdants comme ça au hasard. Ça a été confirmé, ça a été étudié, puis ça a été étudié aussi pourquoi ils n'en arrivaient pas à passer à travers. La plupart des gens qui perdent font toujours les mêmes erreurs. Et un peu plus loin, je vous expliquerai les 7 erreurs que les traders font, qui les mettent en situation de crise. Et ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des 7 pertes ou les ondes de pertes que les gens rencontrent, la plupart sont liées à des émotions, à un manque de discipline, puis à un manque d'études de leur stratégie ou de leur plan. Donc, ce que je vais vous parler, c'est théorique, et essayez de voir dans ce que je vais vous expliquer si c'est simple ou c'est compliqué, si vous avez l'énergie de vous engager à étudier des choses qui sont simples mais qui sont complexes à appliquer. Dans la bourse, on a dit au tout début que on pouvait gagner sa vie en day trading. ce que j'ai expliqué au début. Il y a deux types de traders. Il y a l'investisseur qui va placer dans des obligations, des fonds mutuels, qui va acheter des actions, puis qui va faire comme Warren Buffett, qui va tenir ses positions pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ces gens-là, ce sont des investisseurs. C'est une race très, très, très, très différente des spéculateurs. J'applique sur ce point-là parce que si vous avez une mentalité d'investisseur, c'est très difficile pour vous de faire de la spéculation. Le spéculateur, lui, est capable de faire de la transaction sur deux modes. À la semaine, qu'on appelle les swing traders, et du day trading qui ne dépasse pas 2 jours, 3 jours, à tenir une position. Donc, les deux peuvent se combiner. Certaines positions peuvent être soutenues pendant une semaine ou deux. Et d'autres qui sont plus actifs vont fermer leur position dans la même journée. De là est né le day trading. Il y a même du monde qui font du hedge. Hedge, ça veut dire sur des lignes de profit qui sont très, très petites, à coût de 3 pips, parce que dans le marché du Forex, un point de mouvement, c'est considéré comme étant un pips. Et je voulais faire à FXCM, France ou en américain, peu importe, qui vont vous expliquer la terminologie du Forex, sinon j'aurais pas cet espace sur les 3 CD que je vais faire pour expliquer le Forex. Donc, je voulais faire à FXCM.fr, si vous voulez avoir ça en français, puis ils vont vous donner un petit guide d'explication de la terminologie. Je vais vous en glisser des mots de temps en temps. Mais si vous voulez vraiment se faire sans tête reposée sur FXCM, qui est probablement le broker, la maison de courtage la plus grosse au monde pour transiger le Forex, les monnaies, et aussi certaines matières premières comme l'or et l'argent et le pétrole, vous aurez énormément d'informations sur la terminologie, surtout si vous prenez le guide du débutant, et que vous allez chercher le portefeuille fictif où il vous donne 50 000 $ à transiger. Donc, je reviens à ces deux modèles de personnes qui font des transactions, donc l'investisseur et le spéculateur. Le spéculateur peut passer de day trader à swing trader, c'est-à-dire extensionner son mode de compréhension du marché. Et il peut même, dans certaines situations, prendre des positions qui sont plus dans une optique d'investisseur. Mais c'est le seul à pouvoir être capable de se partager différents modèles de trading. L'investisseur, lui, à cause de son insécurité, son intolérance à certains risques, va se sentir plus confortable à être strictement investisseur, c'est-à-dire prendre des positions qui sont de 6 mois à plusieurs années. Ça, c'est la base. Il faut comprendre ce que l'on est avant d'essayer de comprendre la bourse. Vous n'avez pas de tolérance au risque. Ne touchez pas à Forex. C'est le marché probablement l'un des plus rapides avec le SP500 et certains indices. Et plus c'est rapide, plus ça demande de travailler sur du court terme. Donc, il faut avoir une capacité de tolérance au risque qui est exceptionnelle plus on se rapetisse dans le temps. Pourquoi c'est plus facile d'investir? Ben, c'est parce qu'on peut corriger notre manœuvre si on fait 4 ou 5 transactions dans un an sur une action. C'est beaucoup moins que 220 transactions par mois dans une monnaie, un cross rate qui appelle, donc une monnaie contre une autre. Et puis ça, c'est sûr qu'une personne qui n'a pas de tolérance au risque a beaucoup de difficultés à multiplier ses transactions. Tandis que l'investisseur, lui, qui a 3 ou 4 fois à rentrer ou à sortir ses positions sur l'échelle d'un an ou de 3 ans, ne souffre pas des mêmes malaises parce qu'il y a un temps pour corriger. Donc, le temps, la valeur monétaire et les volumes qui sont transigés ont énormément d'influence sur la personne. Et ça, c'est vraiment tenir compte. Quand on est mal capitalisé, quand on est investisseur, on sent pas trop l'effet. Mais si on est mal capitalisé dans les monnaies, on le sent à l'intérieur même d'une journée et même d'une semaine. Et on peut savoir très rapidement si on est fait pour ces marchés-là. L'autre point, c'est qu'une personne qui a défini qu'elle était capable de faire du day trading doit aussi regarder qu'est-ce qu'elle a besoin comme outil. Vous avez besoin d'un ordinateur, d'un branchement Internet. Vous allez avoir besoin d'avoir lu certains livres ou écouté ces CD-là que je vous fais. Vous allez avoir besoin d'un accompagnement pour vous balancer émotionnellement sur votre trading. C'est très difficile de faire du trading tout seul. Ça demande souvent un environnement qui vous balance, qui vous équilibre sur le plan émotionnel. Parce que les émotions, comme je vous l'ai mentionné, ça joue à 80% sur vos techniques de travail. Des gens qui pensent que strictement avec la technique, ils peuvent en sortir, sont dans le champ. Donc, regardez bien le fait que vous avez besoin d'un équilibre émotionnel. Ça, c'est fondamental. L'autre point, quand vous avez à vous définir dans le 20% qui est technique, vous avez besoin d'un système, vous avez besoin de situer votre time frame. Déjà, en étant day trader, on parle de time frame. Time frame, c'est la séquence des petits bâtonnets qu'on voit apparaître à l'écran, qui peuvent être chaque bâton en 5 minutes, chaque bâton en 10, 15, 20. Vous pouvez aller jusqu'à du 4 heures, du daily, qui est une journée par bâton, une semaine même par bâton. Et ça, on appelle ça un time frame. Fait qu'habituellement, les gens qui font du day trading jouent beaucoup entre un 4 heures et un 5 minutes. Il y en a même qui s'amusent avec du tick data, c'est-à-dire qu'à chaque transaction qui apparaît, ça apparaît à l'écran. Mais ça, c'est forcé à note pas mal, de mon point de vue, du moins. Mais moi, personnellement, je travaille avec du 5 minutes jusqu'à du 1 heure. Et je me sens confortable à l'intérieur de ces time frames-là. Je le dis en anglais parce que c'est comme ça que ça apparaît dans le langage du milieu. Donc, il vous faut un time frame, il vous faut un système et, chose très importante qui ferme le triangle, c'est un money management. C'est-à-dire une capacité d'entreprendre une gestion de comment vous allez manipuler vos argent dans le marché. La plupart des grands traders vont dire d'exposer des argents de capital de risque. Donc, vous ne mettez pas dans le marché des argents que vous avez besoin pour payer votre loyer, pour payer l'essentiel. Vous prenez strictement les argents qui peuvent être perdus sans créer de conséquences sur votre vie. Je répète, vous prenez de l'argent qui n'affecte jamais votre vital, votre quotidien, votre budget pour pouvoir bien vivre dans votre vie. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir un autre travail, parce que les chances que ça tourne au vinaigre sont assez élevées. Et pour éviter de souffrir d'avoir perdu beaucoup d'argent et surtout pas d'hypothéquer sa maison ou hypothéquer votre mode de vie, peu importe, il vous faut du capital de risque. L'investisseur a aussi à le comprendre comme ça, mais le spéculateur plus que la moyenne, parce que le capital de risque, c'est vraiment des argents qui sont pas fondamentaux. On n'emprunte pas du capital de risque. C'est délicat, c'est dangereux. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour se permettre ce genre d'initiative, c'est-à-dire de faire des emprunts pour aller jouer à une forme de casino. Au début, c'est comme du casino, et éventuellement, ça peut devenir un travail. Mais, comme je vous dis, on ne s'improvise pas des traders comme ça. Il faut beaucoup d'études, il faut beaucoup de présence d'esprit. Il faut être protégé. Donc, le money management, son principal point, c'est d'être protégé dans son capital. Et on va vous dire souvent que chaque transaction ne doit pas vous exposer à plus que 5% de votre capital total. 5% de 1 000 $, c'est pas beaucoup d'argent. Ça veut dire que si vous dites j'ai besoin de 300 $ pour entrer cette position-là, là, vous êtes déjà à 30% de votre 1 000 $. Il faut comprendre que 1 000 $, 5%, c'est pas beaucoup d'argent. On parle de 50 $, ce qui est à peu près le minimum, là, un mini. Et puis, si vous avez un drawdown, déjà, vous grugez fortement. Un drawdown étant une position que vous avez prise, disons, pour la hausse, pour gagner à la hausse, et que le marché se retourne contre vous, et le gain non réalisé ou la perte non réalisée est calculé sur un drawdown comme une perte. Évidemment, tant que la position n'est pas fermée, on considère que c'est une perte non réalisée. Et en anglais, on appelle ça un drawdown. Donc, vous avez le marché contre vous et ça demande justement d'être capable de le supporter en plus d'une marge qui est exigée pour faire un contrat. Bon, exemple, la marge est de 50$ par mini. Si vous avez un drawdown de 50$, vous avez 100$ d'exposé, vous êtes déjà à 10% de votre capital si vous avez mis 1000$. Les gens vont me demander quels sont les montants qui sont les plus favorables à transiger. Combien il faut avoir dans notre compte si vous aimez mieux? Écoutez, par expérience personnelle, j'ai pu transiger avec des montants justement de 1000$ à 5000$ et on est souvent avec les culottes serrées avec ça. Donc, si je vous dirais, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Ben moi, je me mettrais un minimum de 15 000, idéalement 20 000 dans le compte pour trader, transiger deux mini à la fois. Donc, 100$ d'exposition sur la marge et la capacité de prendre des drawdowns qui sont définis par les ce qu'on appelle les stop loss, les stops qu'on met quand on perd, qui, dans un cas comme moi, représente à peu près 35 à 50$ sur l'exposition de 100$. Donc, je prends une marge sur deux mini qui vont me coûter 50$ par mini et ça me donne 100$ d'exposé sur la marge et je me donne un maximum de 35 à 50$ sur le stop-loss, c'est-à-dire sur ce qui me bloque. Et là, vous allez dire, oui, mais si vous avez 25$ ou 50$, qu'est-ce qui fait que vous allez avoir 25 ou 50? Ben, ça va dépendre de stops qui sont, dans mon cas, pensés d'une façon relative. C'est-à-dire que je peux mettre ce qu'on appelle en anglais toujours un trailing stop qui va faire que je peux me faire sortir avec une moyenne de 25$ de stop. Et si ça va pas dans le sens d'un stop relatif, mais là, je vais mettre un stop fixe à 50. Par contre, si je mets un stop à 50, tout ce qu'on commande sur le marché, c'est de doubler le gain pour confronter la perte. Ce qui fait que si vous avez un système qui est bon à 50-50, ce qui est à peu près la loi des probabilités, si vous avez sur 50% de gain, vous avez 300$ de, mettons, on va mettre ça dans mes chiffres à moi, si j'ai pris pour 100$ de marge et puis que je me donne 50$ de gain, et que je mets 50$ de stop, ben là, je fais rien. En final, je vais arriver à zéro, c'est un break-even. Mais si je mets 75$ de gain contre 50$ de perte, ben, je vais faire 25$ à chaque fois. Donc, j'ai des chances de pouvoir gagner ma vie avec ça. Mais pour faire 75$ sur des mini, il faut que le marché bouge plus dans ma direction que contre moi. Et c'est tout là qui est la magie de la stratégie et la magie aussi du money management. Parce que si la personne est capable d'être consistante dans ses gains, même s'il y a des pertes, elle va savoir qu'elle va faire de l'argent et peut recapitaliser à la hausse son engagement. Fait qu'on commence avec deux mini, puis après ça on passe à trois mini, à quatre mini, on finit par avoir un plein contrat qui est l'équivalent de 10 mini, et ainsi de suite. Mais pour ça, il faut avoir une consistance, une permanence. Donc, un bon système, c'est en général un système qui vous donne à l'ultime minimum 50% de gains versus 50% de pertes, mais que les gains sont supérieurs à la perte. Vous avez des pertes, mettons, à 50$ du chose, et vous avez des gains à 75$, vous êtes en affaires. Avec le money management, ben là, à ce moment-là, vous pouvez, avec les gains, réussir à vous augmenter le volume de contrat. Et quand vous augmentez le volume de contrat, toujours en ayant un gain supérieur à la perte, ben là, vous faites de l'argent, puis vous pouvez dire qu'avec avec 6 mois ou 1 an de trading, vous vous êtes fait un salaire. Si vous avez une stratégie ou un système qui vous rapporte 70% de gains contre 30% de pertes, là, vous êtes vraiment en sécurité. Et là, vous avez réellement, si vous avez de la discipline toujours, vous avez réellement un bon salaire en main potentiel. Et je vous dis, si vous avez une capacité de faire un bon gain de 70% de gain versus 30% de perte. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, à savoir si vous avez de la discipline toujours, à savoir si vous allez gagner votre vie avec ça. Ça va être effectivement possible en pas plus qu'un an. Mais avant de penser que c'est possible, il faut que vous sachiez combien de temps vous pouvez travailler dans le marché. Moi, personnellement, j'ai une capacité de donner une attention au marché à peu près 2 mois et demi. Après ça, il faut que je me repose au moins 1 mois pour recommencer. Donc, je me suis rendu compte que ça m'exigeait beaucoup de temps, beaucoup de tension émotionnelle pour commencer un portefeuille. Et puis que j'avais pas nécessairement un intérêt à suivre des graphiques fixés sur une chaise pendant des longues périodes. Le problème, c'est que le marché ne nous attend pas. Il fonctionne pas quand nous autres, on est devant le computer. Il fonctionne, surtout Forex, 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Donc, faut que vous appreniez à découvrir c'est quoi la période où votre marché, parce qu'il y a plusieurs monnaies quand même, mais il y en a quand même pas plus que 6 qui sont, disons, vraiment dynamiques. Donc, il faut que vous sachiez quelle heure que vous êtes disponible pour faire ce type de marché-là. Certaines personnes vous diront qu'ils travaillent 2 heures par jour. Félicitations. Moi, c'est pas mon cas. C'est plus long que ça. Ça prend 10 heures devant le marché pour être capable de faire à peu près 200 trades par année. Donc, 200 trades par mois, pardon. Mais il y en a pour certains que ça va être par année. C'est très, très variable. Il n'y a pas de méthode finale ou fixe pour une personne versus mille autres. Chaque individu a sa ligne de conduite. Mais je reviens au principe de fondamental. Ce que vous avez besoin pour comprendre le marché, c'est un système que vous devez étudier, vérifier. Comme ils disent en anglais, il faut qu'il y ait un back test sur votre système. C'est important. Il faut que vous ayez une définition très exacte de votre time frame qui va selon votre tolérance au risque et aussi le temps que vous avez à donner au marché. Et vous avez besoin de money management. Ça a été le point faible d'à peu près 10 ans de trading de ma vie. Mauvaise gestion du portefeuille en termes de qu'est-ce que tu engages comme montant. Et puis une fois que vous maîtrisez ça, ben là, vous avez à comprendre votre attitude psychologique, vos émotions là-dedans, parce que c'est 80% de la réussite du marché. Les 3 éléments, money management, système et time frame, ça ne représente que 20% de ce que vous avez à digérer comme info. La plus grande importance doit être mise sur vous-même, sur comment vous transigez. Parce que pour le même coût, vous allez avoir des gens qui vont opérer très différemment le marché. Et je tombe là-dessus dans le prochain fichier. Sur le précédent fichier, je vous ai dit, la bourse, les ondes de succès, se séparent en 2 aspects. 80% sur la psychologie et comment l'individu fonctionne. Et 20% sur la technique. Et j'incluais le triangle dans la technique du money management, du time frame et du système. Si dans un premier temps, je regarde le 80% sur lequel il y a très peu de livres d'écrits, on écrit beaucoup de livres sur le 20% technique. Et sur la psychologie, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont écrits là-dessus. Un très bon, c'est « Day Trader en action ». Et un autre, c'est « Alexandre Elder, vive du trading ». Il y en a un autre, mais je leur parlerai un petit peu plus loin. C'est des gens qui ont donné des cours à des traders, qui révèlent leurs propres expériences, et ils nous disent tout le temps que les gens sont très gourmands sur la recherche du gain. En anglais, on dit « greedy ». C'est comme une sorte de séraphin poudrier, mais poussé un peu à l'extrême. Il y a des livres qui nous disent « un gain, c'est un gain ». Un petit gain, c'est toujours un gain, c'est mieux qu'une petite perte. C'est même mieux de prendre un petit gain pour éviter une grosse perte. Et beaucoup de gens vous diront « oui, mais il faut que vous ayez des stop limits, c'est-à-dire des zones de profitabilité qui en vaillent la peine de trader ». Mais ce qui vaut la peine de trader, c'est protéger son capital. Allons-y dans le sens des professionnels, tant qu'à étudier, tout aussi bien d'étudier dans le bon sens. Pour le professionnel, le plus important, c'est de protéger son capital. Pour le débutant, ben, ce qui était le plus important, c'est de faire de l'argent à tout prix. Mais il oublie souvent de protéger son capital. Parce que lui, nécessairement, il est greedy. C'est-à-dire qu'il a un appétit, une soif du risque, une soif du gain, qui lui fait penser qu'il est à, il est protégé, il est immunisé contre la perte. C'est quand on commence à perdre et que ça fait mal qu'on se rend compte qu'on n'est pas si protégé que ça. Il n'y a pas de système magique. Ils appellent ça en anglais une Holy Grail. Ben, c'est ça qu'il faut comprendre très rapidement. C'est que votre zone de tolérance au risque, elle a quand même ses limites, même si vous avez une grosse limite. Vous avez quand même une limite. Faut pas tomber suicidaire dans le marché. Faut avoir le goût de vivre. Faut avoir le goût, justement, de protéger son capital. Mais il y a certaines personnes, on dirait, qui s'en vont jouer dans le système boursier pour se punir. Pour se donner une leçon. Pour, je sais pas, ils ont peut-être fraudé l'impôt et puis ils veulent se déculpabiliser en allant perdre dans le système boursier en pensant qu'ils vont faire des fortunes. Vous ne pouvez pas vous attaquer au marché avec une vie incohérente. Votre incohérence va apparaître dans le marché. Fait que vos failles psychologiques, vos peurs du monde, vos peurs de parler, vos peurs sous quelque forme que ce soit d'être trahi ou quoi que ce soit, vont s'exprimer dans le marché. Si vous voulez voir votre vie sans avoir investi des milliers de dollars, je vous recommande d'aller au casino. Vous avez certainement des casinos en quelque part où vous demeurez, ou vous pouvez aller tester votre système nerveux. Allez pas au casino pour gagner. En général, c'est des endroits pour s'amuser, non pas pour aller gagner ses vies. Il y a des gens qui tentent le diable, comme on dit, en allant miser des sommes importantes. J'en ai connu qui réussissaient bien. Ils allaient chercher des 40 000, 50 000 $ par année, plus fréquemment 10 000, 15 000. Mais comme un de mes bons amis m'a déjà dit, quand on travaille au casino, c'est comme pousser une grosse roche dans une côte en montant. C'est que même si on veut prendre un point d'arrêt, on a toujours la roche qui essaie de nous écraser. Donc, on n'a jamais de repos. Donc, c'est pas possible de prendre une pause quand on est au casino. Mais je me suis souvent mesuré aux tables de jeu, principalement à la roulette, comme pour me faire un conditionnement physique, type Nautilus Plus, pour voir comment je traitais avec la perte. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas pareil d'une journée à l'autre. Il y a des journées qu'on est capable de prendre des pertes de 200-300 $. En ce qui me concerne, c'était de l'argent. Et puis, dans d'autres journées, perdre 50 $, c'était comme épouvantable. Je me suis rendu compte que la dynamique de perdre, qui donne à un certain moment donné une certaine assurance de prendre la pression, assurance à rester cohérent dans bien des situations, même si on a de l'adversité, ça pouvait varier d'une journée à l'autre. Faites une étude astrologique, faites une étude de comment vous mangez avant de vous rendre sur les tables. Étudiez n'importe quoi qui peut vous donner des indices sur comment vous pouvez ne pas être constant dans votre peur de perdre. Parce que ça, c'est très important pour se connaître et savoir que d'une journée à l'autre, on n'a pas nécessairement la même capacité à prendre la pression. Moi, dans mon cas, je me suis étudié au niveau biorythmique pour savoir si mon biorythme était bas ou haut et savoir exactement ce que j'étais capable de prendre émotionnellement ou physiquement dans certains cas ou même mentalement quand il est question de calcul puis d'intellect. C'est évident que chaque personne aura sa façon de le voir, mais ne transigez jamais dans un marché quand vous n'êtes pas en forme, quand vous avez vécu une confrontation avec un patron, un ami, un membre de la famille ou même votre partenaire de vie. C'est pas de santé, je peux vous le dire. Moi, je sais bien que personnellement, j'ai toujours perdu quand il y avait des situations à très très haut stress dans ma vie, en dehors du casino ou en dehors de la bourse. Et en plus, au casino, vous avez l'ambiance des gens qui sont très excités, très astralisés et qui jouent en plus d'une difficulté. Vous êtes moins exposé, évidemment, que dans le marché, parce que dans le marché, vous êtes obligé d'exposer des sommes de 200-300 du coup. Tandis qu'à la bourse, pas à la bourse, mais au casino, vous êtes capable de transiger, si on peut dire ça comme ça, avec des sommes de 20, 25, 30, 50 $. Je me suis déjà amusé avec 40 $ pendant 18 heures. Ça vous donne une mesure comme quoi on peut avoir du fun pour pas cher. Puis au bout du 18 heures, évidemment, j'avais une fatigue, mais j'avais tout le temps mon 40 $ dans les poches. Ça fait que je suis parti sans faire d'argent, mais je me suis amusé 18 heures de temps. Mais il arrive un stage qu'on s'amuse pas faire d'argent. Donc, si vous voulez tester votre tolérance au risque, la pire place, c'est le casino. Je peux même vous donner un système, même plusieurs systèmes. Un système qui fonctionne relativement bien, c'est de jouer les deux dernières douzaines qui sont sorties, les placer sur des sizains pour ne pas avoir à placer des 25 ou des 50 $. Bon, quand vous avez un système, vous pouvez l'avoir qui fonctionne bien une soirée et qui fonctionne mal une autre soirée. Ou qui fonctionne bien pendant trois quarts d'heure puis qui fonctionne plus bien pour le reste de la soirée. C'est bien important d'avoir plusieurs systèmes pour être capable de suivre la table. Je vous parle de casino pour vous faire un parallèle avec la bourse. La table, c'est la monnaie que vous allez transiger. Chaque table a sa personnalité quand vous arrivez sur le plancher. Moi, je transige sur l'euro versus le US, le dollar US. Mais vous pourriez également prendre le British Pound, la livre anglaise, contre le US. Vous pourriez également prendre le US contre le Canadien. Vous pourriez prendre l'euro contre le Canadien. Vous pourriez prendre le yen contre le US. C'est toutes des tables différentes. Fait quand vous arrivez sur le marché du Forex, vous avez au moins 6 tables ou 6 marchés qui sont dynamiques. Et il y en a plusieurs autres, il y en a des trentaines, il y en a au-dessus d'une trentaine de monnaies que vous pouvez transiger sur le Forex. Mais ces 6, il y en a 6 qui fonctionnent plus que d'autres. Le British Pound va dans le même sens que l'euro. La Nouvelle-Zélande et le dollar australien vont ensemble également. Le Canadien, on peut le rajouter. Le Canadien suit beaucoup le mouvement du pétrole. Le pétrole baisse, le Canadien baisse. Fait qu'on a plusieurs tables, il faut trouver la table avec laquelle on est le plus confortable. Donc, vous arrivez au casino, il faut que vous ayez déjà une méthode et vous ayez surtout une table qui va dans le sens de votre méthode. Personnellement, je compose avec 4 méthodes que je change selon l'humeur de la table. Une de mes méthodes, c'est de suivre les deux dernières douzaines. Si je vois que la table ne tire pas dans les extrémités, dans le sens de 1 à 6, et de 31 à 36, j'exclus 0 à ce niveau-ci, ben à ce moment-là, je joue sur le centre de table le plus longtemps possible. Et il est possible également de faire une martingale. Donc, si vous perdez, vous doublez pour récupérer votre perte, puis vous triplez pour continuer à faire des profits. La martingale, c'est le money management. La table que vous choisissez, c'est le marché que vous choisissez. Si vous travaillez sur une table à 1 $, c'est comme travailler avec un time frame de 5 minutes. Si vous travaillez sur une table à 2 pièces et demie, c'est comme travailler sur une table en 15 minutes. Et si vous travaillez avec un time frame de 30 minutes, c'est comme si vous travailliez sur une table à 5 $. Vous avez le VIP, le time frame d'une heure, qui est à 10 $ sur la table. Voyez que les parallèles qu'on peut faire, Vous allez me dire, je sais pas pourquoi tu fais un parallèle entre le casino et le forex. Je le fais pour vous faire comprendre que vous êtes dans un monde de spéculation, de vitesse et de risque. Et que c'est plus difficile au casino de protéger son capital que de le faire dans le marché. Si vous allez vous tester dans ce qui est le plus difficile, si vous êtes capable de prendre des bains à moins 10 dehors, des bains glacés, bien, c'est sûr que vous allez avoir moins froid l'hiver si vous n'êtes pas malade, puis ça vous tue pas. Donc, c'est sûr que dans le domaine du casino, si vous êtes capable de faire les parallèles que je fais et que vous arrivez avec un système et que vous en connaissez plus que un, vous en avez quatre, disons, mais là, à ce moment-là, vous êtes avantagé à pouvoir transiger. Et vous allez voir que c'est avec la martingale que vous faites le plus d'argent. Mais c'est aussi avec la martingale que vous pouvez vous casser les reins le plus facilement. La personne qui commence à deux mini et puis qui l'autre qui commence à un contre-plein, ça ne coûte pas la même chose. C'est pas les mêmes marges. Un contre-plein va vous demander beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent que si vous travaillez avec des mini. Mais vous allez faire beaucoup plus d'argent. Donc, il faut comprendre que si avec un mini, vous faites une pièce le pips, et qu'avec un contre-plein, vous faites 10$ du pips, ben, il y en a un qui va plus vite que l'autre. Si vous choisissez pas votre bonne table, ou la table avec laquelle vous avez une certaine tolérance au risque, si vous choisissez pas la bonne table, et la table qui répond à 1$, 2$, 50, 5$ ou 10$, ben là, à ce moment-là, vous allez avoir une pression que vous allez comprendre très rapidement, qui est la même que quand vous êtes sur le Forex. Si vous jouez en mini ou à plusieurs mini, puis même vous pouvez avoir des micro-contrats. Ça, c'est plus rare à trouver, mais il reste quand même que c'est possible de jouer avec des micro-contrats. Un micro, c'est 10 fois plus petit qu'un mini, et un mini, c'est 10 fois plus petit qu'un contre-plein. Les gens qui sont habitués au marché fonctionnent avec des contre-pleins. Mais il faut déjà avoir gagné avec des plus petites tables à 2,5 piastres ou à 1 piastre, pour être capable de s'aventurer sur des tables à 5 piastres ou à 10 piastres. Pourquoi? Parce que l'effet marteau d'une perte peut vous ramener à penser plus petit ou à regarder ça avec un esprit de protection du capital. Moi, dans le fond, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si vous êtes capable d'aller au casino avec 40$, de jouer 1 heure de temps puis de pas perdre une scène, vous avez compris la notion de protéger ou de protection de capital. C'est dans ce but-là que je vous dis de voir qu'est-ce que vous pouvez vivre dans le domaine de la spéculation. La spéculation, c'est du très haut risque, alors que l'investissement, c'est moins à risque. Là, vous me dites, est-ce qu'il y a un équivalent de l'investisseur au casino? Oui, vous pouvez aller sur des tables de blackjack puis jouer le coup d'une personne que vous voyez jouer. Vous jouez en arrière de lui, vous pouvez miser sur sa mise, mais quand ça vous tente. Tandis que l'autre qui est déjà sur la table, lui est obligé de jouer pratiquement tout le temps. Vous pouvez jouer strictement à un certain moment donné, et vous pouvez même étudier le trader, si on peut dire, la façon qu'il fonctionne, pour trader strictement ce que vous voulez. Ça, on pourrait appeler ça un investisseur plutôt qu'un spéculateur. Le joueur étant le spéculateur, puis vous qui transigez quand ça vous le dit, ça devient comme un investisseur. Plus difficile à jouer, là, parce que le blackjack, c'est un autre paire de manches. Mais disons que ce que je veux faire voir ici, c'est pour avoir une conscience de la tolérance au risque, il faut que vous ayez une étude de votre vie dans la façon que vous fonctionnez déjà depuis plusieurs années. Et ces aspects de votre caractère vont apparaître plus rapidement au casino, si vous voulez vous connaître. Vous pouvez vous connaître aussi dans les types de sports que vous pratiquez ou dans les types d'aide que les gens vous demandent, sur lequel vous devez situer votre intérêt. Fait qu'aider quelqu'un, un frère, une sœur, un ami, n'importe qui, il y a des psychologies de risque de perte qui sont mises en mouvement là-dedans. Est-ce que vous êtes capable de perdre pour quelqu'un pour l'aider? Ou si aider quelqu'un pour vous, c'est une transaction qui est aussi réaliste à faire que si vous étiez en affaires? C'est tous des aspects qui vous permettent de voir à quel point vous êtes froid ou vous êtes chaud devant une perte potentielle. C'est très, très, très important de connaître ça et de voir jusqu'où vous pouvez être dans la peau du gain. Jusqu'où la peau du gain peut vous faire des mouvements ou des investissements ou des engagements sur un aspect potentiel de perte. C'est sûr que plus vous découvrez que vous êtes vulnérable émotionnellement, plus vous devez vous éloigner de ces zones de spéculation, comme je mentionnais sur le premier fichier. Mais prenons pour acquis, pour le reste du CD ou des CD à venir, que vous êtes déjà un spéculateur, vous avez une capacité de prendre certains risques. Quels sont les montants que vous êtes prêt à engager? Qu'est-ce qui va vous amener à vouloir prendre des risques sur votre vital? Si vous êtes dans la présomption ou la perception que vous êtes capable d'investir votre loyer pour vous faire un excédent d'argent, ben ça vous permet de voir jusqu'où la peur peut aller vous chercher. C'est bien évident que si vous êtes tout le temps en train de vous accrocher avec un partenaire de vie ou un ami, ça peut définir le fait que le vouloir avoir raison sur l'autre peut vous exposer à des risques très, très grands. Parce qu'il y a un entêtement chez vous. Un entêtement, ça peut nous faire des mouvements qui sont très, très, très, très dispendieux, très coûteux. Et oubliez pas, là, quand vous êtes devant votre computer, s'il y a un instinct naturel de vouloir être tout seul, de pas avoir personne qui vient interférer, ça signale le fait que vous êtes une personne qui cherche à avoir raison. Donc, pour avoir raison sur le marché, vous êtes en très grand danger. C'est le marché qui donne la direction. C'est pas vous qui donnez la direction. Même si vous voulez que les bâtonnets montent ou descendent pour que ça soit à votre avantage, c'est toujours et jamais vous qui dirigez le marché. Très, très important. En anglais, on dit The trend is your friend. En d'autres termes, follow the trend. Suivez la direction du marché. Si vous êtes capable d'identifier le marché et de le suivre, non pas de vouloir le diriger, donc si vous êtes capable de ne pas être dans votre raison, mais que vous êtes dans la raison du marché, ça peut vous aider. Donc, si vous voyez tout le temps dans l'autre un élément où vous pouvez le critiquer, l'analyser, le diminuer, vous avez un des pires défauts pour faire des transactions, c'est de toujours vouloir avoir raison. Faites attention à ça, c'est très, très toxique et très nuisible à votre façon de fonctionner. La première chose que je fais, moi, quand je vais au casino, c'est de lire la colonne de chiffres pour savoir quelle direction que la table a. Est-ce qu'elle tire plus les premières, deuxième douzaine, deuxième, troisième douzaine? Est-ce qu'il suit une tendance particulière? Est-ce que les zéros sortent souvent sur cette table-là? C'est toutes des choses que j'essaie d'avoir comme indication pour choisir mon système. Parce que des systèmes, il y en a des tonnes. J'ai vu plein de gens jouer différents systèmes, et puis des Asiatiques en particulier, qui étudient les mouvements de bras du croupier pour savoir quelle est la constance du croupier quand il y en a une, changer de table quand ça changeait de croupier. J'ai vu toutes sortes de probabilités, de possibilités, puis je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont très winners, très gagnants sur des tables, et que leur seule erreur, c'est de se placer à jouer trop longtemps. J'ai vu des gens embarquer avec 200 piastres, monter ça à 1000 $ et ne pas se retirer, tout perdre le gain, tout perdre le capital, obligé d'aller se coucher parce que faisait trop longtemps qu'ils tradaient. Et souvent, les gens qui font du gain régulier vont surperformer, dans le sens qu'ils vont se placer dans une situation où le corps ne suit pas. C'est encore un des aspects de avoir raison, c'est que quand on gagne puis qu'on veut avoir raison, on n'est pas capable de tenir compte de nous-mêmes, parce que avoir raison, qui est un rapport avec l'extérieur, ça devient comme une espèce de drogue puis de griserie intérieure qui peut vouloir surexposer le trader devant le marché. Le marché ne ferme pas. Vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de vous reposer, de vous calmer le système nerveux, et même si vous êtes sur une séquence de gains qui semble être à l'infini, il faut quand même que vous ayez à vous occuper de vous-même. Donc, protéger son capital et protéger sa santé, son système nerveux, c'est tout dans le même pot, c'est tout dans la même dynamique. Et ça, c'est très, très, très important. Les gens vont tout le temps vous demander, puis as-tu gagné? Alors que la vraie question, ce serait, puis t'es-tu bien? Est-ce que t'es confortable? Est-ce que tu travailles puis que ça te donne une satisfaction? Tu sais, si vous auriez pu faire 1 000 $ dans une journée, mais vous êtes arrêté avec des gains de 400, puis qu'après ça, quand vous avez été vous reposer, vous dites, ah ben, j'aurais continué à jouer, j'aurais fait 600 $ de plus. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous demeuriez cohérent. Dans la mesure que votre esprit vous habite, l'âme vous habite, l'ego, ben comme faut, c'est ça qui est important. Faut que vos vibrations, faut que votre équilibre électrique dans le corps soit toujours comme capable de se remettre au neutre, capable d'aller manger quand il faut, pas tomber dans une séquence de jeûne où vous allez changer de plan juste parce que vous êtes étourdi. Donc, c'est très, très, très important de demeurer cohérent. Si vous rentrez sur une table de jeu ou si vous rentrez sur le marché que vous avez déjà de l'incohérence, c'est pas le milieu qui va corriger ça. Pensez pas que la bourse va vous rebalancer. C'est pas vrai, ça. Parce que souvent, on a des réactions qui sont contraires à la bonne façon de faire quand on perd notre cohérence. Moi, j'appelle ça un mécanisme autodestructif. Donc, très important, ce facteur de cohérence, parce que ça protège la principale loi de la bourse, qui est la protection du capital. Protection du capital, protection de votre santé mentale, c'est la même chose. Le parallèle est à faire là. Suivre ou se discipliner dans une stratégie revient à psychologiquement être capable de conserver sa cohérence. Conserver sa cohérence, c'est de voir à 360 degrés ce que sont nos besoins personnels et non pas les besoins de la famille, les besoins des amis, les besoins de gens qui nous observent puis qui pensent que vous pouvez penser, du moins, qu'ils veulent votre peau en voulant vous faire avoir tort devant le fait de faire ce que vous faites. N'oubliez jamais que la cohérence part de soi pour soi. On n'est pas cohérent pour les autres, on est cohérent pour soi-même. Donc, quand vous faites de la bourse, c'est pas le temps d'avoir la mission de sauver la planète. C'est pas le temps même d'avoir la mission de sauver nos enfants ou de sauver quoi que ce soit qu'on aime. Le plus important, c'est de se conserver cohérent. C'est la stratégie et la cohérence qui sont connectées. C'est la protection du capital et la protection de votre santé qui est essentielle. Et on s'attaque à l'autre élément qui est le time frame. J'ai vu beaucoup de traders qui disaient, moi je commence à 9h30 et je finis à 11h30. Je travaille 2 heures et fini le reste. Ça, c'est des gens qui ont ajouté à la discipline un temps de transaction qui leur convient pour être capable de vivre leur vie. Puis ils ont réussi à monter une stratégie qui convient là-dedans. Ils ont identifié des marchés qui sont très actifs dans cette période-là et ils ne transigent que dans cette période-là et réussissent à se faire des gains et ne s'occupent pas des pertes de gains potentielles. Parce que si la personne, exemple, dit « Ah, j'aurais pu faire ça si je serais resté plus longtemps dans le marché », elle vient de miner sa discipline en ne respectant pas son plan de match. Vous avez un plan, suivez-le. Vous avez un plan qui vous est personnel, ne vous faites pas influencer par votre environnement. C'est votre plan, c'est pour vous, et ça fonctionne. L'idée, c'est que ça fonctionne. L'idée, c'est que vous ayez fait des analyses du passé de votre stratégie pour voir si elle fonctionne pour vous avec la cadence que vous savez être capable de prendre. C'est sûr qu'un backtest ou une analyse des anciennes journées ou les anciennes heures qui précèdent votre trading, ça peut se faire en 10 minutes avec certains ordinateurs et certains programmes. Ça ne reflète pas le temps que vous allez passer devant l'écran. Ça ne reflète pas aussi des incohérences du marché. Il y a des fois qu'on se dit, ah, le marché part, on veut rentrer, puis on peut pas rentrer, ça va trop vite. Quand on fait du backtest, on peut pas tenir compte de ces facteurs-là parce qu'on n'est pas devant le marché. Rentrer dans un fast market, qu'ils appellent, là, un marché rapide, c'est très difficile. Et souvent, notre position qu'on voudrait prendre, parce qu'on est dans le théorique, dans le fictif, on pense qu'on peut la prendre, mais dans la réalité, c'est un autre paire de manches. Fait qu'il y a des écueils qu'on a dans la réalité qu'on n'a pas quand on est dans le fictif. Et ça peut faire des grosses différences. Donc, dans la vie courante, il y a des variations par rapport à votre fictif. Il y en a qui sont pas graves, mais il y en a d'autres qui peuvent avoir des conséquences majeures. Donc, c'est tous des aspects qui vont demander que vous mûrissiez votre perception de vous-même dans ces cas-là, devant les effets d'imprévus, de surprises. Et si vous identifiez des choses comme genre « quand je mange de la pizza, je file pas bien », ben, ça se peut que ce soit possible que vous soyez obligé d'avoir un régime alimentaire pour faire de la bourse. Moi, il y a un trader que j'ai lu là, que dans sa façon de travailler, il travaillait 6 mois par année. Mais dans la période de 6 mois par année, il y avait plein de choses qu'il ne pouvait pas manger, qu'il avait identifié comme étant des irritants dans son trading. Et à ce moment-là, ben, il y avait certaines façons de faire la cuisine que sa femme faisait pour lui pendant sa période de 6 mois où il transigeait. Et lui, c'était une façon de respecter sa santé, donc en même temps de protéger son capital. Vous pouvez voir que c'est très, très personnel le trading qu'on a. La chose qu'on a à savoir, c'est est-ce qu'on est capable de prendre le risque? Et après ça, est-ce qu'on est capable de protéger son capital? Puis après ça, dans quel système qu'on est réellement confortable. Et quand un système devient tellement simple qu'il est naturel, bien, c'est un peu comme conduire une auto. Il vous faut un temps d'adaptation pour votre véhicule, pour pouvoir maîtriser la conduite. Mais normalement, au bout de 2 ans, 3 ans de conduite, une personne devrait savoir conduire et avoir les mécanismes réflexes. Il y a des meilleurs pilotes que d'autres. Il y en a qui ont l'instinct de la compétition, de la course automobile. Puis il y en a d'autres que c'est des bons civils, des bons citoyens qui conduisent bien, qui n'ont pas d'accident sur 30 ans, mais qui ne se risquent pas à faire du 160 km/h sur l'autoroute, mais qui roulent tout le temps dans les limites de vitesse. Ils ne dérangent pas personne, ils sont anonymes, mais ils sont heureux, ils sont bien. Puis pour eux autres, une auto, c'est pas nécessairement un investissement de 100 000 $. Ils peuvent très bien fonctionner avec des autos usagées de 4 000, 5 000 toute leur vie et les faire réparer quand il faut. Et ils sont heureux. Donc, il n'y a pas d'apprendre la mesure des autres. Il y a à trouver votre mesure à vous. Et si vous avez un système simple qui vous convient bien, à ce moment-là, utilisez-le et ne le vendez pas aux autres comme étant le seul système sur la planète qui fonctionne. Dans un autre livre que j'avais lu, la personne était dénommée TARP, T-H-A-R-P, Von K. TARP, très bon livre en passant, qui a écrit. C'est clair que lui, en donnant des cours, il a dit aux gens, il y a au-dessus de 170 systèmes sur la planète que je connais, il y en a peut-être d'autres qui vont être inventés, mais tous les systèmes marchent avec minimum 70% de rendement, donc 70% de gagnants contre 30% de perdants. Puis il dit, on a quand même 70% des traders qui perdent. Donc, c'est pas le système qui est le problème, c'est l'individu en arrière du système. Et il dit, la plupart du temps, c'est parce que les gens n'ont pas trouvé un système qui convienne avec eux. Mais sur les 170, comment on peut savoir que c'est le bon système pour nous? Et c'est là que tout le phénomène du travail en fictif du marché est important. Il vous faut essayer, explorer des lignes de pensée de certains traders. Et tout le monde, dans les professionnels, vous disent le système le plus simple est toujours le meilleur, puis c'est celui qui nous amène aux mécanismes réflexes les plus vite. Bon, je vous donne quelques points où certains indicateurs sont comme les modus operandi de la majorité des traders. Les moyennes mobiles, parce que c'est un indicateur qui est relatif. Un indicateur relatif, c'est un indicateur qui bouge avec le marché. Un indicateur absolu, comme une ligne de trend line, une ligne de direction, une ligne de support, une ligne de résistance. Résistance étant dans un marché qui monte, et une ligne de support étant dans un marché qui baisse. Ça, c'est des indicateurs absolus. Les gens, en général, vont combiner indicateurs relatifs du type bande de Bollinger ou de Bollinger, comme diraient les Français. Donc, ça, c'est un indicateur relatif. Il est accompagné d'une ligne de moyenne mobile au centre et d'un effet d'enveloppe dans les contours. Fait que le marché, c'est comme s'il suivait un canal. Et puis les lignes de Bollinger, ou Bollinger, ou peu importe, vous les voyez comme bouger continuellement avec le marché. Alors que les lignes de support ou les lignes de résistance ou les choses de canal qu'on installe avec des lignes en biais, là, ça c'est des, on appelle ça des indicateurs absolus. Les gens ont tendance à combiner ça. Mais moi, personnellement, je préfère beaucoup les Sand and Rivers, c'est-à-dire le SAR, S-A-R, Bollinger, et trois moyennes mobiles exponentielles. Deux moyennes mobiles exponentielles qui croisent la ligne de moyenne mobile du Bollinger au centre. Donc, si vous me demandez est-ce que c'est simple, ben moi j'ai appris à lire. Il y a un livre qui est écrit de M. Bollinger, un livre qui s'appelle L'analyse de Bollinger. Ben, j'ai lu ça, j'ai trouvé son principe de relativité de l'indicateur intéressant. Et j'ai vu que dans ma vie, des supports, des résistances, puis des lignes de canal, ça faisait un bon travail. Fait que j'ai marié les lignes de support, de résistance, à travers les Fibonacci, qui font ou qui installent différents types de lignes de support et de résistance, en pourcentage. Fait que j'utilise ça pour me faire une idée de où est-ce que le marché peut corriger. J'ai le SAR pour me donner des stops pour... Ça, c'est le Sand and Rivers, c'est-à-dire que c'est des points qui s'installent en haut ou en bas de la petite colonne, la barre de qui fait le graphique. Et puis ça, c'est pour me donner une idée de où est-ce que mon stop peut bouger. Parce que si vous laissez un stop fixe, ben lui, à ce moment-là, il peut prendre un mouvement, puis des fois, c'est bon de remonter son stop ou de redescendre son stop, dépendant si on est à la hausse ou à la baisse. Et quand on a un trailing stop, ben c'est ça que ça fait. Mais idéalement, pour moi, c'est le SAR, parce que c'est plus proche du marché que le trailing stop comme tel. Fait que il faut que vous ayez la chance d'explorer ces termes, donc les supports, les résistances, les canals, qui donnent deux lignes superposées en parallèle, et les SAR, Sand and Reverse, Bollinger Band, qui sont les grands classiques du marché. Se rajoutent deux autres indicateurs qu'on voit aussi qui sont très utilisés, qui sont les RSI, Relative Strength Index, et vous avez le MACD. MACD étant le Moving Average, MA, Convergence Divergence, convergent divergent. On l'appelle le MACD, mais le mot exact, c'est Moving Average, Conversion, Divergence, MACD. C'est les deux autres indicateurs qui sont très utilisés. Mais si vous allez sur le marché des indicateurs, il y en a au-dessus de 117, je pense, je me rappelle. Puis, ils ont toutes les valeurs, ils vous donnent tous des signaux. Mais je peux vous dire par expérience que j'ai déjà, dans mes débuts, transigé avec une vingtaine d'indicateurs dans l'écran, puis je réussissais pas à me retrouver. Puis quand il y en a trop, que c'est pas simple, puis que c'est pas complémentaire un par rapport à l'autre, c'est que on a tendance à vouloir faire parler les indicateurs selon nos propres motivations. Fait que si on veut voir le marché monter, ben on va dire, ah, je vais prendre cet indicateur-là. Puis là, ça devient comme un brainwash là, de toujours vouloir avoir raison à travers les indicateurs. Avoir comme quelqu'un qui nous dit « oui, oui, t'es capable, oui, oui, c'est ça, oui, oui, t'as raison ». Faites attention, il vous faut des indicateurs où est-ce que ça vous place dans une capacité de rester froid, de rester cohérent. Là. Donc, il faut que les indicateurs aient un sens, soient bien étudiés, qu'ils soient bien... analyser individuellement, puis qu'après ça, qu'il soit analysé dans son ensemble avec d'autres indicateurs. Avoir un seul indicateur, je vous le recommande pas. Par expérience, autant au casino que dans la bourse, j'ai vu que d'avoir trois indicateurs minimum, c'était souvent la bonne recette, parce que le marché a besoin d'être confirmé à différentes phases. Donc, quand je prends un exemple, le canal de Bollinger, peu importe, et que je rajoute mes moyennes mobiles exponentielles, j'en mets une à 5 bars et une autre à 12 bars, et je mets le Bollinger à 12 bars également, avec l'enveloppe à 2, et j'ai d'excellents résultats sur le Euro-USD en 30 minutes. Ça frise à perfection. considérant cet aspect-là pour moi, moi je conviens bien avec ça, puis 30 minutes, ça me convient bien aussi de travailler avec ça. Mais des gens voudront plus de mouvement, ils vont s'en aller sur 5 minutes, et sur le 5 minutes, c'est encore les bandes de Bollinger avec une moyenne mobile exponentielle à 5 bars. Et là, j'ai aussi des très bons résultats. Toujours le Bollinger à 12. Il vient normalement à 20. Vous allez voir dans sa construction 20,2 à la fermeture. Moi, je prends à la fermeture 12,2. Et c'est comme ça que mon montage se fait et j'obtiens d'excellents résultats. Mais sur le 5 minutes, c'est inutile de mettre deux moyennes mobiles parce que c'est trop court comme relation. Fait que vous mettez une moyenne mobile 5 et votre Bollinger à 12, et puis vous obtenez d'excellents résultats. Les signaux sont parfaits. Ça, si vous êtes capable d'y suivre à la hausse, à la baisse, vous allez avoir d'excellents résultats. Sur le 5 minutes, ben, vous allez voir que si vous mettez les SAR A+, vos points de sortie dépasseront rarement le 15 points, le 15 pips, et puis là, ça va vous permettre de travailler plus de transactions, mais aussi, ça va vous demander plus d'attention. Ça va de soi. Sinon, si vous voulez avoir quelque chose de plus relax, qui vous donne le temps d'aller déjeuner, mais le 30 minutes est idéal. Autre chose qu'on n'a pas au casino. Au casino, on n'a pas le droit de se servir d'ordinateur. On est obligé d'y aller avec un carton et un crayon. À la maison, vous avez des ordinateurs pour faire des études. Vous pouvez mettre 2, 3, 4, 5 écrans si ça vous tente pour suivre vos marchés. Parce que les marchés sont interconnectés, il y en a des fois, certains marchés, comme le British Pound, il est un petit peu en avant de l'euro. Fait que si vous avez le British Pound puis vous transigez l'euro, ben souvent vous avez quasiment un signal du British Pound qui vous avertit que l'euro va faire quelque chose dans le même sens. Vous avez une grosse influence du dollar américain sur tous les marchés. Fait que si vous avez un écran qui vous permet de voir strictement le US dollar puis qui vous fait voir la montée de cette monnaie-là individuellement, là, qui n'est pas confrontée à une autre monnaie, ça peut vous donner des bons indicateurs. Quand le dollar US monte, l'euro baisse. Donc, le graphique de l'euro USD va avoir tendance à baisser. Si le dollar US seul, individuel, baisse, l'euro va monter. Au même titre que le dollar canadien monte quand vous avez une augmentation du prix du pétrole. Le pétrole et le dollar canadien sont liés un dans l'autre. Très important comme indicateur pour pouvoir suivre le US contre le Canadien. La monnaie qui est à droite, c'est la monnaie que quand elle prend de la valeur, le marché va baisser. La monnaie qui est à gauche, quand je vous dis exemple, le US contre le Canadien est à droite. Donc, la monnaie, quand le Canadien monte, ça fait baisser le graphique. Et quand le US monte versus le Canadien, quand donc la monnaie qui est à gauche, le US contre le Canadien, c'est le US est à gauche. Donc, lui, quand il prend de la force, il fait monter le marché. Donc, toutes les monnaies qui sont à droite, s'ils ont pris de la force, font baisser le graphique contre l'autre monnaie, que elle, quand elle monte, elle fait monter le graphique. Ça, c'est des petits détails qui sont importants pour savoir lire nos marchés. Si vous comprenez bien ces aspects-là, vous aurez beaucoup d'agréments à transiger. Et je vais passer à l'autre CD qui va vous faire comprendre d'autres aspects des systèmes et des timeframes.